me réveillai en sursaut. Un type, surpris, tombait à la renverse dans l'escalier, ma chaussure à la main. Il s'excusait, apeuré, et abandonnait son butin dans sa fuite. C'était comme s'il avait vu un fantôme. Les marches étaient couvertes de sang séché. Je remettais ma chaussure et déguerpissais le plus vite possible pour retrouver mon logement. Je vérifiais en route mes poches. Tout était là. J'épluchais le portefeuille de Jacob minutieusement. Carte d'identité, carte bancaire, abonnement au club de tir, carte de fidélité pour toutes sortes de magasins, jouets pour enfants, fringues, supermarchés, des tickets tarifs réduits pour la piscine, une photo de lui avec sa femme et ses enfants, un badge magnétique avec aucune information inscrite dessus. Son portable ? Pas de code, quelle chance. Presque plus de batterie. L'enregistreur audio était encore allumé. Presque 2 jours de pistes enregistrées avec notre conversation au bar dessus. Rapidement, je cherchais d'autres indices. Photos et vidéos. Groupe de conversation. Très bien. Il y avait matière à exploiter. Bingo. Il était régulièrement en contact avec ses collègues des forces spéciales. J'arrêtais là pour le moment. Je devais vite rentrer pour que le téléphone ne s'éteigne pas. Une fois arrivé chez moi, seul, les enfants étant à l'école, je me posais dans le canapé, le portable en charge. Je naviguais dans chaque fichier, épluchais son historique, regardais attentivement chaque photo, chaque vidéo, notais chaque nom intéressant, prenais en photo avec mon propre téléphone les visages des supposés meurtriers présents à l'Oasis. Je passais tout l'après-midi ainsi, à réfléchir, à établir un plan, à peser le pour et le contre. Les enfants rentraient progressivement les uns après les autres des cours. Les plus jeunes étaient récupérés à l'école par les plus grands. Une fois tous arrivés à la maison, je les convoquais dans le salon. J'avais quelque chose de très important à leur annoncer. Beaucoup pleurèrent. Ça me fendait le cœur, mais l'occasion était trop belle. Je leur annonçais mon départ, imminent. Je devais partir rapidement car j'avais des soucis. Je déballais enfin mon sac pour tout leur raconter. Tous mes déboires, mes problèmes d'addiction, le fait que pour certains j'étais mort et pour d'autres disparu. Je ne pouvais plus me montrer ici. J'expliquais les différentes pistes que j'avais pour nous venger du massacre vécu il y a des années. L'occasion était trop belle. Je leur promettais un retour dans quelques années et leur faisais promettre en retour de ne rien révéler, de garder tout ça secret. Pour ne pas leur faire prendre de risques inutiles, je ne révélais pas l'intégralité de mon plan volontairement. Jared s'occuperait dorénavant d'eux. Je leur montrais l'immense somme d'argent cachée dans le coffre. Assez pour bien vivre pendant longtemps. Assez même pour payer à tous les études supérieures qu'ils méritent. Ils étaient en larmes, moi aussi. Je le leur répétais, ce n'était pas un adieu. Je prendrais régulièrement de leurs nouvelles dans le futur. Ils étaient tous comme mes petits frères et mes petites sœurs. J'avais le cœur lourd de devoir ainsi les quitter. Après de longues embrassades, je prenais mon paquetage et leur laissais mon épée en souvenir. Je partais presque à regret, étouffant mes sanglots. Une occasion aussi belle ne se reproduirait plus. J'avais enfin l'opportunité d'étancher cette soif de revanche qui ne m'avait plus jamais quitté depuis le massacre de la secte de Kafka. Je faisais table rase. Fini toutes ces conneries, les mauvaises fréquentations et la drogue. Je m'engageais dans l'armée impériale. J'allais m'infiltrer, me jeter dans la gueule du loup pour les retrouver et leur faire payer. Je devrais dorénavant faire abstraction de tous mes a priori sur l'Omicron et rentrer dans le moule. Toute ma stratégie reposait sur le fait de réussir à faire carrière, monter rapidement les échelons. Si on m'avait dit que j'y passerais plus de 25 ans et que j'y rencontrerais des hommes et des femmes formidables. Ainsi, je partais dans le premier navire, direction Paris, puis voyage vers Berlin, la grande cité militaire terrienne. À peine arrivé, je me présentais à la première heure au centre de recrutement. Je signais pour 3 ans, le plus petit contrat à l'époque. J'espérais réussir dans ce laps de temps. J'étais rapidement déployé sur le terrain après 6 mois de camp d'entraînement. Inutile de raconter à quel point ces 6 mois furent rébarbatifs pour moi. Néanmoins, je prenais goût à l'aspect collégial du métier et j'appréciais énormément la vie en communauté. J'étais encore très jeune et les instructeurs ne tarissaient plus d'éloges à mon égard. Ils me prédestinaient une brillante carrière. Ma première mission était sur Terre, dans les archipels d'Asie centrale. Une véritable douche froide. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Aucune bataille, pas d'assaut, pas d'ennemis visibles, aucune manœuvre de guerre. Nous devions sécuriser et rassurer la population locale par notre présence face aux menaces d'attentats de plusieurs groupes terroristes. Une cellule d'éco-terroristes était très active et frappait la région régulièrement. Leurs actions étaient particulièrement violentes et insidieuses. 3 mois sur place, à me sentir inutile. Je perdais du temps et j'enrageais de ne pouvoir faire mes preuves. Nous arrivions toujours après leurs exactions et eux restaient constamment invisibles, introuvables. Les nombreux attentats terroristes avaient renforcé la politique sécuritaire de la Terre et encore plus sur Séléné, là où ils étaient particulièrement actifs. Ils justifiaient cette terreur en évoquant un empire corrompu, bafouant les préceptes d'Ignos première. Ils appelaient la population à une prise de conscience des dérives du gouvernement et prophétisaient des catastrophes écologiques dramatiques à venir. Je revenais donc à Berlin avec un goût amer en bouche. Une semaine après mon retour seulement, la caserne où j'avais passé ces 3 mois explosait, oblitérée par une explosion d'une violence inouïe. Des milliers de morts. C'était injuste. Je les détestais. Quelques mois plus tard, j'étais envoyé sur Sélénée pour renforcer la sécurité du fragment du roi, qui était fortement menacé après plusieurs lois sensibles votées au Parlement. Je me retrouvais enfin sur cet astre avec une sensation étrange. Au premier pied mis sur Sélénée surgissait en moi un profond malaise. Une sorte de rejet, de dégoût inexplicable. À l'époque, j'étais très loin d'imaginer le passif que j'avais avec les Sélénites. Nous effectuons là-bas des patrouilles, des vérifications d'identité aléatoires et de la protection et escorte de familles menacées par les terroristes. Vivre quotidiennement sur la Lune me déstabilisait, et en moi s'opérait une perte de sens, lente et constante. Un mal-être grandissant qui me désorientait de plus en plus. J'étais ramolli par l'ambiance qui régnait ici. C'est dans cet état que j'ai été totalement pris au dépourvu lorsqu'une escouade d'hommes armés déboulèrent un soir en plein milieu d'une gigantesque réception que mes hommes et moi devions protéger. Je tombais des nues. Tout le gratin était présent. Les terroristes étaient nombreux, une quinzaine. Parmi eux, 5 s'étaient équipés de gilets bardés d'explosifs, tous lourdement armés. Il me fallut quelques secondes pour comprendre ce qu'il se passait. Après les premiers tirs, je retrouvais pleinement mes esprits. La panique était totale dans la salle de réception. Les invités se ruaient vers le fond de la pièce pour désespérément s'enfuir par les cuisines. Ils se marchaient dessus. C'était un véritable carnage. Au fond de la salle, j'assistais au meurtre de mes amis. Les assaillants leur tiraient dessus sans sommation. Plusieurs d'entre eux mouraient dès le début de l'assaut, sans rien comprendre à la situation. Les terroristes étaient habillés en tenue de service. Ils s'étaient infiltrés parmi le personnel du manoir. Serveurs, maîtres d'hôtel, chauffeurs. Des tirs éclataient maintenant en provenance des cuisines. Je comprenais dans quel piège nous étions tombés. Les hommes armés avaient verrouillé les différentes portes de sortie avec des câbles en acier. Ils tenaient en joue quiconque s'approchait d'eux et regroupaient progressivement la centaine d'invités au centre de la pièce. Tout le monde à genoux ! J'ai dit à genoux, bande de fils de pute ! La situation était plus que merdique. Ceux qui rechignaient étaient abattus illico presto d'une balle entre les deux yeux. Tout le monde se mettait maintenant à genoux. Je jetais au loin mon arme et m'exécutais à mon tour, tout en pressant le bouton d'urgence qui déclenchait l'arrivée de renforts sur place. Faire le héros n'aurait servi qu'à déclencher un bain de sang. Je cherchais du regard mes collègues encore en vie. Ok, nous étions 4. 5 gisaient dans une mare de sang, morts. Sous mon costume, je tâtonnais à ma ceinture pour trouver les modules de survie. Technologie dernier cri encore en test utilisée par l'Omicron sur Sélénée. Nos tenues militaires avaient été refusées en bloc par l'hôte de la soirée qui ne voulait pas gâcher la fête avec un service de sécurité trop visible. Grâce à cet abruti, mes camarades étaient morts, et nous n'avions pas assez d'équipement pour nous défendre contre autant d'ennemis. Je décrochais de ma ceinture 2 modules et les faisais passer aux invités les plus proches en leur chuchotant rapidement leur fonctionnement. 3 femmes, armées de fusils d'assaut, repoussaient des cuisines les fuyards vers le centre de la salle. Leurs vestes de cuisinier étaient recouvertes de sang. Maintenant, toutes les portes étaient closes. Le spectacle allait bientôt commencer. À l'époque, je m'en souviens, je ne pensais qu'à sauver le plus de monde et rentrer à la base sous les honneurs, couvert de médailles. J'avais l'occasion de prouver ma valeur, enfin. En fait, j'en avais vraiment rien à foutre du sort de ces nobles sélénites. Et celui des terroristes s'était scellé à l'instant même où ils m'avaient enfermé avec eux dans cette pièce. Les preneurs d'otages lisaient maintenant une liste exhaustive de 10 personnalités importantes sélénites et martiennes. Un silence glacial s'installait. Ils répétaient les noms et leur exhortaient de sortir du rang. Ils avaient donc un plan. Pour finir de les convaincre de se lever, un homme assassinait une femme au hasard dans la foule. Des cris et des pleurs résonnaient dans l'immense salle. Un noble, à côté de moi, me fixait en pleurant, la morve au nez. Il me dégoûtait. Je compris qu'il faisait partie de la liste. Il était tétanisé de peur. Je lui faisais signe de se lever, mais il n'entendait plus. Je lui arrachais le module de survie qu'il serrait fort entre ses doigts et le poussais violemment pour qu'il se lève. Le con s'était pissé dessus. C'était le dernier de la liste à se relever. Ah, professeur Dédale, on n'attendait plus que vous. À cet instant, une camarade qui avait fait ses classes avec moi sortait un pistolet pour abattre à bout portant de plusieurs balles dans le visage un des hommes équipé d'un gilet d'explosifs. Elle était criblée de balles en retour, assassinée. Plusieurs civils avaient été touchés dans la fusillade. Dommages collatéraux. Les civils étaient pris de panique et criaient, suppliant de les épargner. Fermez-la ! Fermez tous vos putains de gueules, bande de cafards ! Fouillez les types de l'Omicron. Regroupez-les près de l'autre qui a voulu être l'héroïne du jour, là. Par réflexe, je cachais le module de survie dans mon caleçon avant d'être fouillé et déplacé sur le côté. J'étais mis en dehors du groupe d'invités, à genoux dans le sang de ma consoeur. Amateur. Mon cerveau allait à 1000 à l'heure. Je calculais chaque opportunité. Chaque faille dans leur dispositif. À quoi bon survivre si je ne peux sauver aucun civil finalement ? Un Tokiwoki à la ceinture d'un de mes amis morts dès le début de l'assaut crachait l'ordre de répondre à l'appel. Un terroriste réduisit immédiatement l'appareil en miettes d'une balle. Une des cuisinières, peut-être ne l'avait-elle jamais vraiment été, sortait d'un gros sac de sport noir une caméra qu'elle connectait à un ordinateur portable. Elle rejoignait maintenant celui qui semblait être leur chef, le type qui criait depuis le début. « Bon, c'est parti !» La jeune femme tenait d'une main la caméra et de l'autre l'ordinateur, écran tourné vers les otages. La première personnalité de la liste était conviée à se rapprocher. Il devait lire à voix haute un texte face caméra. L'homme en question, un noble martien, mettait ses lunettes pour lire le texte sur l'écran de l'ordinateur. Il semblait dans un premier temps lire ses lignes dans sa tête, puis dans un second s'effondrait en larmes, tremblant de tout son corps. « Mais enfin, je ne peux pas lire ça !»« Vraiment? Vous êtes sûr ?» Aucune réponse de sa part, si ce n'est des sanglots étouffés. « Très bien. Suivant. » Le chef des touristes tirait trois fois dans la poitrine du noble. Une femme d'affaires martienne était poussée violemment par un type armé. À son tour de passer devant la caméra, elle enjambait le cadavre encore chaud, calmement. La noble semblait apte à coopérer et faisait preuve d'un certain sang-froid. Elle restait digne et lisait le texte à voix haute. C'était une sorte de confession, d'aveu. À l'entendre réciter ses lignes, je comprenais que chacun aurait son texte personnalisé. Un texte qui révélait des informations compromettantes les concernant. La femme confessait des mensonges, des trahisons et toutes sortes de comportements au cours de sa vie qui révélaient son manque de mérite, de morale et d'éthique. Ok, d'accord. Je comprenais mieux. Il voulait marquer le coup. Est-ce que ces informations étaient bien réelles ? Une mise en scène si macabre allait très probablement décrédibiliser toutes ces allégations. Aurait-il organisé une telle attaque pour des fausses déclarations ? Non, il devait bien y avoir une part de vérité. Mais surtout, comment avait-il découvert ces secrets ? Je prenais conscience que les terroristes devaient avoir de nombreux contacts très bien placés dans la chaîne de commandement de l'Empire, pour être au courant de tout ça. Combien étaient-ils vraiment ? La martienne finissait son texte. Elle tremblait de tout son corps. On lui ordonnait de se rasseoir. Les autres nobles de la liste étaient convoqués les uns après les autres. Si l'un d'eux refusait de lire son texte, les terroristes menaçaient d'exécuter le précédent, et ainsi de suite, jusqu'à l'assassiner elle ou lui. Ils étaient sans pitié. Lorsqu'arrivait le tour du dernier noble, le professeur Dédale, il ne restait de la liste que 6 personnes encore en vie. Après chaque confession, la vidéo était téléchargée sur l'ordinateur et visiblement envoyée quelque part. Dédale déglutit ostensiblement en voyant le texte sur l'écran. « Mais enfin, je ne comprends pas. » Chuchotait-il à peine vers leur chef. Encore un de moins sur la liste. Tout ce temps, j'avais analysé la pièce en détail. Des caméras de surveillance. L'équipe d'assaut avait dû arriver rapidement au manoir et devait maintenant assister à la prise d'otages sur leurs écrans. Ils ne pouvaient rentrer sans risquer l'explosion. Les terroristes avec les gilets avaient un interrupteur dans leurs mains, prêts à se sacrifier à tout moment. J'avais repéré discrètement un autre module de survie sur le cadavre de ma collègue à 2 mètres de moi. Le professeur commençait à lire en bégayant tellement qu'il agaçait son bourreau. Un autre noble de la liste était exécuté pour le forcer à se concentrer. À cet instant précis, je sortais le module de mon caleçon pour l'activer et le balancer au milieu des centaines d'otages. Je roulais vers le cadavre pour prendre l'autre module et me saisir du couteau tactique qu'elle avait toujours à la ceinture. Je me jetais sur le premier terroriste équipé d'un gilet en face de moi. Derrière, deux de mes confrères, qui avaient eux aussi senti le bon moment, se levèrent simultanément. J'essuyais une rafale de balles dans la poitrine. Propulsant en arrière, Saïf et Kiva me poussaient de toutes leurs forces pour me rétablir sur mes pieds instantanément. J'étais leur bouclier. Mon gilet en Kevlar amélioré faisait son office. J'arrachais le détonateur des mains de mon ennemi en lui fracassant la tempe d'un coup violent avec le module de survie. Avant qu'il ne s'écroule, Saïf récupérait son fusil mitrailleur. Je lançais le deuxième module ensanglanté et dans la foule, alors que le premier s'activait à l'instant. Une immense bulle jaunâtre de 10 mètres de diamètre apparut soudainement autour de l'appareil. Elle les protégerait à un temps des impacts de balles et des explosions. Alors que je bondissais vers la cuisinière à la caméra pour me saisir du pistolet à sa ceinture, Saïf canardait les terroristes. Il ne se préoccupait que de ceux avec les gilets. Deux autres sphères s'activaient parmi les otages. La troisième venait de l'appareil que j'avais distribué discrètement au tout début de l'assaut. Voyant le sort réservé à celles et ceux pris dans les rayons du module, les civils avaient cette fois-ci la présence d'esprit et le réflexe de resserrer leur rang autour de l'appareil. Pas encore au point leur truc. Enfin, ce n'était censé n'être utilisé que par l'armée. Une fois les modules déployés, les tirs rebondissaient dessus dans tous les sens. Plusieurs otages et terroristes recevaient des balles perdues, alors que les globes passaient rapidement du jaune au orange, puis au rouge, signe que la limite d'encaissement allait bientôt être atteinte. Kiva récupérait lui aussi une arme, et calmement, un genou à terre, méthodiquement, il neutralisait les kamikazes, de plusieurs tirs en pleine tête bien placés. Je tirais dans chacune des cuisses de la cuisinière qui s'effondrait au sol. Leur chef leur criait d'activer les bombes alors que la plupart des porteurs de gilets n'étaient plus en vie. Saïf en avait lui aussi éliminé quelques-uns. Malgré les nombreux tirs essuyés, Kiva et Saïf gardaient leur sang-froid, même au cœur de la bataille. Ils étaient exemplaires. Je m'occupais des autres un à un. J'essayais de m'appliquer le plus possible, il fallait pouvoir les interroger coûte que coûte. La salle était prise dans un nuage de fumée. Les nombreux tirs réduisaient la décoration et les œuvres d'art en miettes. Des cadavres gisaient un peu partout maintenant. L'odeur de poudre emplissait l'air de la pièce qui devenait irrespirable. Les otages se plaquaient au sol les uns sur les autres et criaient pendant que les immenses portes de la pièce étaient en train d'être défoncées de l'extérieur. Les câbles en acier freinaient l'arrivée imminente des renforts. Je remarquais au milieu de cet enfer le professeur Dédale, recroquevillé sur lui-même. Il tenait entre ses mains l'ordinateur portable. Le leader des terroristes, voyant bien que c'était la fin, braquait son arme en direction du professeur. Je vidais mon chargeur sur lui en un éclair et m'avançais pour mettre en sécurité le noble Sélénite, un des rares civils encore vivants à l'extérieur des modules de survie. Il pianotait frénétiquement sur le clavier. Je me penchais au-dessus de lui, dans son dos. J'eus le temps d'apercevoir qu'il effaçait des documents du disque dur avant de fracasser l'ordinateur de ses poings. Son comportement étrange et suspect avait capté toute mon attention. Je ne pus voir à temps le chef des terroristes qui rampait malgré ses blessures mortelles vers un cadavre. Non, il rampait vers un gilet. En un battement de cils, je saisissais le professeur par la ceinture pour le faire brusquement passer derrière moi, puis faire volte-face et sauter sur lui de tout mon corps lorsque la bombe explosa. D'une violence inimaginable, le souffle nous propulsait contre le mur opposé. Une multitude de clous et autres morceaux de métal jaillissaient dans toute la pièce. J'étais sous le choc, le souffle coupé. La salle était maintenant plongée dans un silence terrifiant. Seul le bruit des portes en train d'être enfoncées résonnait au loin dans mon crâne. Affalé sur le noble qui se mit à crier, gravement blessé, j'allais m'évanouir. Il était en vie. Je perdais connaissance en repensant à son dernier geste. J'avais pu apercevoir l'écran. Un lion ? Je tombais dans le coma en repensant alors au vieillard de la caverne. Il ne perdait rien pour attendre celui-là. J'allais me réveiller. Enfin, je monterais les échelons et je le retrouverais. J'errais au milieu d'une terre aride. Des volutes de fumée épaisse et brûlante jaillissaient du sol tout autour de moi. Je marchais sur ce sol chaud. J'étais nu, entièrement nu. Un magma sombre sillonnait dans ce paysage à perte de vue. Au loin, des volcans crachaient une lave orangée dans le ciel couvert de nuages noirs. J'avais perdu la notion du temps. J'aurais pu être ici depuis une éternité sans même m'en rendre compte. À chaque seconde, à chaque pas en avant, j'avais l'impression de voir cet endroit pour la première fois, une perpétuelle redécouverte, comme piégé en ce lieu abandonné et lugubre. Pourtant, je m'y sentais bien. Je ne m'étais d'ailleurs jamais senti aussi bien. Il y faisait extrêmement chaud. Plus j'avançais, plus la peau de mon corps rougissait. Des cloques se formaient, et de toute mon enveloppe émanait maintenant une étrange fumée. Aucune douleur pourtant, au contraire. Les volcans, de plus en plus proches, semblaient se transformer. Il se métamorphosait devant mes yeux petit à petit en une immense citadelle surnaturelle forgée par des rivières de lave refroidie. Je m'approchais encore un peu plus vers ce lieu mystérieux. C'était là le vestige en ruine d'un passé lointain et oublié. Mon corps entier s'embrasait soudainement. Je devenais une véritable torche humaine. Ma peau se consumait lentement et bientôt je n'étais plus qu'une silhouette noire ravagée par des flammes qui n'arrêtaient plus de grandir encore et encore. J'étais assez proche pour distinguer l'entrée de ce gigantesque monument à l'architecture terrifiante. Je pouvais distinctement voir sur ses remparts des formes humanoïdes, d'innombrables créatures. Elles se dressaient en haut des murs de l'enceinte. Elles me fixaient. Je ralentissais ma marche, intimidé. Ces hommes et ces femmes m'attendaient. Ils étaient maintenant des milliers à m'attendre là-bas. Je regardais tout autour de moi, envisageant un autre itinéraire, trop apeuré pour les affronter. Mais des centaines de milliers, peut-être même des millions de ces créatures se dressaient derrière moi, m'empêchant toute retraite. Eux aussi étaient nus, leurs corps noirs étaient comme carbonisés. Ils avançaient avec moi au rythme de mes pas. Leurs yeux rouges brillaient dans l'obscurité et me dévisageaient sans relâche. Je sentais le poids de leur ressentiment braqué sur moi. Je chancelais, tombais au sol, toujours rongé par ce feu éternel. Je n'osais plus relever la tête, j'étais tétanisé. Soudain, un vent violent se leva brusquement sur la plaine embrasée. Une tornade de poussière virevoltait tout autour de moi et dansait, attisant encore plus le brasier dans lequel je me consumais. Mon enfant, vois ton royaume se dresser devant toi. Ils t'attendent. N'aie crainte, mon enfant. Ils ne sont pas hostiles, ils sont là pour toi. liés éternellement. Ici reposent tes fantômes, arrachés à la vie par un petit garçon. Un petit garçon enragé d'être seul, abandonné et incompris. Tu brûles, mon enfant. Continue. Ils t'attendent. Accepte ta condition. Ils attendent ton réveil. Accepte-la. Une soudaine bourrasque d'air chaud, d'une violence inimaginable, me percuta de plein fouet. Elle éteignait maintenant mes flammes, comme une bougie que l'on souffle. Mon corps ainsi soufflé semblait s'évanouir dans le néant. Je me recroquevillais sur moi-même pour ne pas disparaître. Mais mon feu s'éteignit. Je me réveillais en sursaut de ce cauchemar indescriptible, dans un lit d'hôpital. Combien de temps avais-je été inconscient ? Autour de moi, plusieurs docteurs à mon chevet. Eh bien, bon retour parmi nous. On a bien cru ne jamais vous revoir, monsieur Costa. Où suis-je ? Dans l'hôpital militaire d'Astérius. C'est un miracle. Vous étiez en état de mort cérébrale depuis 2 jours, et hier soir, une infirmière a détecté une activité dans la nuit. On attendait votre réveil avec impatience. Vous étiez en plein cauchemar. Qui va ? Saïf ? Ils sont sains et saufs aussi. Une très longue rééducation vous attend tous les trois, mais vous devriez à terme retrouver une vie normale. J'étais soulagé. Hélas, vous avez raté votre cérémonie de remise de médaille, monsieur Costa. Disait-il en me souriant et montrant un boîtier luxueux posé sur ma table de chevet. Combien de temps suis-je resté dans le coma ? 6 semaines. Oh, autant. J'examinais mes jambes et mes bras. Oui, malgré vos nombreuses blessures, vous avez cicatrisé d'une manière extraordinaire. Presque 2 kilos de métal ont été retirés de votre corps. Vous savez, vous êtes un miraculé, monsieur Costa. C'est vrai. Une sensation étrange ne me quittait pas. L'impression d'avoir abandonné quelque chose d'important. Un goût d'inachevé. Quelqu'un souhaite vous rencontrer, monsieur Costa. Les docteurs plantés autour de mon lit me fixaient en souriant bêtement. 2 heures plus tard, Miphos Kadria se présentait devant moi pour me remercier en personne. Il avait le même âge que moi, mais avait un charisme incroyable. Serrage de main et quelques photos de lui m'accrochant ma médaille sur la poitrine. J'étais devenu une sorte de héros. J'incarnais l'Empire. L'Empire qui ne se laissait pas faire face au terrorisme. Toutes ces conneries politiciennes, quoi. Pendant mon coma, Miphos Kadria, le fils de Bran Oberon, était devenu l'intendant suprême du nouveau Nero, en plus de son mandat de directeur d'Astérius. Dans cette chambre d'hôpital, j'étais nommé commandant. Saïf et Kiva, eux, lieutenant-colonel, compte tenu de leur ancienneté. Miphos ne s'attardait pas longtemps. Il avait sûrement d'autres chats à fouetter. Néanmoins, son assistant me mettait au parfum. Si j'avais besoin de quoi que ce soit, je n'avais qu'à demander. De quoi que ce soit, vraiment ? C'est ainsi que j'intégrais l'académie des forces spéciales basées à Astérius. Ma rémission fut courte au grand étonnement des médecins, et ma rééducation qui devait durer une petite année se terminait en seulement 3 mois. Peu de temps après mon réveil, je m'amusais à regarder les chaînes d'information qui parlaient sans arrêt de ma sortie de coma miraculeuse. Des vidéos provenant des caméras de la salle de réception étaient diffusées en boucle, de mauvaise qualité et très censurées. 36 morts quand même. Je pensais aux enfants que j'avais laissés à la Nouvelle-York l'année dernière. Au moins ils avaient des nouvelles de moi via les infos. Hélas, ceux qui me croyaient mort aussi. Je restais perplexe face à toute cette médiatisation.